parti. J'déballe mes rimes planquées au fond de ma mallette pour enivrer les crânes et vous faire taper des galettes. Joueur d'esprit donc je saisis la manette et dirige un personnage qui se veut toujours d'être honnête, clair et net et précis dans toutes mes lettres. Le rage de combattant depuis que ce monde m'a vu naître. Magicien, je me sers du micro comme une baguette. En un tour, je fais disparaître les homos qui bandent sous leurs braguettes. Yes, la vibe prend de l'ampleur et tu veux qu'elle s'arrête parce que t'es déjà raide ou parce qu'elle passe mal comme une arête. Le style s'acharne à l'imprévu comme une tempête. A voir vos gueules, j'ai l'impression que c'est bien ça qui vous embête. Voici la tête qui veut briller sans strass ni paillettes pour trouver la concurrence avec des phases mitraillettes. C'est dangereux pour toi si tu empiètes dans ma zone car j'ai le phrasé qui peut te réduire en miettes. J'entre en piste, voilà l'artiste. Nervi, désormais mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'vais laisser des saccages et surmonter tout risque. J'entre en piste, saluer l'artiste. Nervi, désormais mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'vais laisser des saccages et surmonter tout risque. Je repars pour un nouveau coup. Balafré, laissez des plaies. Y'aura de l'action, c'est pas le moment de mater les replays. S'il est, j'en ne kiffe pas ma zig stylée. Qu'ils sachent que je m'en tape, je n'irai pas m'exiler. Tenue de camouflage enfilée, pour mieux me faufiler. La balle est dans mon camp et je la mettrai au fond du filet. Si tu me vois débouler, c'est pour tout chambouler. Braquer la foule sans avoir le visage cagoulé. Et je viens tacler les amateurs de travaux bâclés. Gagner des matchs en affligeant de sales raclés. Et le temps de m'installer, j'ai remarqué que ma présence dérangeait quand je voyais les MC détalés. Autant de classe qu'à cabrioler. Je viens cambrioler les petites chattes qui prennent le mic pour miauler. Plus le temps de rigoler. Ceux qui veulent m'égaler sont ceux qui n'acceptent pas que mon son les a régalés. J'entre en piste, voilà l'artiste. Nervi, désormais mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'veux laisser des saccages et surmonter tout risque. J'entre en piste, saluer l'artiste. Nervi, désormais mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'veux laisser des saccages et surmonter tout risque. C'est Nervi qui opère, mon frère laisse-moi faire mes affaires. Ça crame comme un enfer, comme au flot solide comme le fer. Résonne sur instru, appelle-moi expert. Tout ce que t'espères, c'est que j'abandonne le rap et que je tombe par terre. J'vais pas me taire, récit souvent vulgaire. Vu que la guerre est déclarée, je me sers de l'écriture comme d'un revolver. Game over. Je pénètre dans mon univers. Faites attention aux carnivores qui s'avèrent assez verts. Et t'es comme hiver, je reste en activité. Toujours éviter les reproches de certains qu'ils se les foutent dans les derrière. Franchis pas ma barrière. Nervi tireur d'élite visant la carrière. De l'MC reconnu pour le fond et non la forme. J't'informe, j'avance sans regarder en arrière. Une feuille, un stylo plus un beat pour une danse meurtrière. Pour une mélodie incendiaire qui traverse les frontières. Alors combien de blessés seront sur une civière? J'entre en piste, voilà l'artiste. Nervi, désormais mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'veux laisser des saccages et surmonter tout risque. J'entre en piste, saluer l'artiste. Nervi, désormais mets-le sur ta liste. J'suis pas un MC de passage comme un touriste. J'veux laisser des saccages et surmonter tout risque. J'entre en piste. Nervi dans la liste. M-E-H-R, ok, mec.